chaud, radio classable, le moins. Moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. 70%. Living the dream by the power of Grayskull. Est-ce que vous savez qu'au moment où je suis en train de dire ces phrases-là, le Canadien de Montréal a perdu 3-2? Hein? C'est bon à savoir. C'est ça. Ah, ça, écoute. Tu sais, la question, il va-tu pleuvoir, là? T'as pas le choix d'impliquer une variable de temps dedans, parce que sinon, la réponse, c'est oui. Ouais, c'est vrai. À moins que, tu sais, t'impliques la fin du monde, des affaires importantes comme ça. Salut, c'est Tommy, je suis à 70%. En fait, vous me poignez dans quelque chose de très particulier, qui était, en fait, de faire une petite installation. On s'est fait donner des gentils cadeaux. C'est quelque chose de... Hein? C'est donc deux personnages qui s'occupaient de guetter un rack pour mettre des CD, et c'est accompagné ici d'un cochon qui va aller agrémenter le Bécanistan. Merci beaucoup à Yannick Zurek, c'est quelque chose que je voulais vraiment montrer à tout le monde. Peut-être qu'on peut faire un zoom sur la face des... Oh! Je vais y aller avec mes deux mains. Essaye ton micro, hein? Ok, ben tu peux tout élever, ok. By the power of Grayskull. Pardon, donc, c'est ça, j'étais en train de savourer une excellente installation. C'est notre ami Yannick Zurek qui est venu nous donner ça au musée tantôt. Le cochon qui fit exactement par-dessus le Bécanistan. Et écoutez, il paraît que c'était fait. Ils ont acheté une maison et c'était dans la maison qu'ils ont acheté. C'est et ils sont tout de suite venus l'amener ici. Ils savaient de quoi qu'on parlait. Ils l'ont acheté pour ça, je pense. C'est ça. Ouais, ça, en tout cas, ça venait avec. Et voilà, les deux messieurs affreux, eux, c'est pas mal certain qu'ils vont être à l'encan douteux. Le cochon, je me le réserve pour le Bécanistan. Ceux qui ont déjà vu le Bécanistan savent de quoi je parle quand je dis qu'il va être à sa place. Là. Donc, bien soir, bonsoir, bienvenue. Vous êtes tout le monde à 70%. Moi, c'est Tommy Godette. Je suis celui qui connaît les films un petit peu spéciaux puis qui se rappelle le nom des acteurs dans les films. D'habitude, le monde, il se vante de ne pas être capable de s'en rappeler. Ben moi, je me vante d'être capable de m'en rappeler. Pas autant que Simon Chénier, qu'on salue, qui est au Brouhaha. Ni autant que Marc-André Brûlé, qu'on salue, qui est à Rouyn-Noranda. Mais quand même, pas pire. Et puis ce soir, ben, on a un film dans lequel j'avais aucune idée de aucun nom des acteurs parce que c'est un film de 1968 du Japon. C'est le film pour lequel vous avez voté et à mon sens, j'ai vraiment la conviction que vous avez voté pour lui parce que le titre est en français puis que... bateau. En tout cas, on est ensemble, on va ce soir se taper un kaiju, un vrai, le plus pur de tous les plus purs. C'est dans la trame de ce que se veut Godzilla, c'est-à-dire un gars dans un suit qui affronte un gars dans un autre suit, un autre gars dans un autre suit, dans un combat épique pour savoir qui va détruire le plus de la maquette. Et ce soir, en ce mois de mai, en ce mois de la sortie de Godzilla, un événement... Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, ok. Ouais. Ça fait la barre. J'ai vu comme le bon goût faire le limbo en dessous de ton jugement, mon gars. Ouais, ça, ouais. Puis ça... il n'a pas fait au complet. Il est tombé. Okay, est éliminé. Et ouais. Donc, voilà, vous avez reconnu la voix de Mathieu Boudreau au micro. Mathieu, il est ici ce soir avec nous. Ça va, Mathieu? Oh, ouais. Ok, voilà. Donc, on sent les émotions, les débordements. Une chronique spéciale de Mathieu tantôt, c'est sûr. On a aussi David Saïd qui va venir continuer parce qu'on s'en fout. Ben oui. Et ça, moi, c'est un segment que j'adore particulièrement dans 70% parce que vraiment, nous, là, ah oui, tout le monde tout ici, le monde. Là, on s'en calisse. Puis lui, il amène ça, puis... Et puis, il fait ça depuis longtemps. Je pense que la dernière fois, il l'a fait, on était à la radio. Ouais, en 2010, et il nous amenait... Il y avait un dossier, le gars, il est sérieux. Il était puis ouais, tant mieux, tu sais, si vous aimez ça. Puis des affaires surlignées. Ah, je me rappelle l'autre, là, qui n'aimait pas les filles, là, qui est le bad boy anglais. En tout cas, si un gars qui a passé proche m'a développé de l'intérêt pour ça, il est arrivé trop tard. sinon, on a Étienne Forêt. Étienne, qui est ici pour la dernière fois, c'est un 70% raccourci en longtemps. Ouais. Ça veut dire que bientôt, on va revoir notre trame sonore de fond. J'ai très hâte. Et puis, dès en plus, la semaine prochaine. Et voilà, tu es en train de développer l'idée d'avoir des espèces de commentateurs invités. Là, ça j'aime ça. Ça. Ouais, on a eu Michel Louvain la semaine passée. Un petit test, oui. Et voilà. Le réajustement. Hey, c'est un vieux rêve de faire ça. Vous avez des bruits de Chewbacca, là. Écoute, on va travailler là-dessus, t'en as pas besoin de beaucoup pour répondre, tu sais, quand t'es Chewbacca. Ouais, c'est ça. Donc, sinon, le film, oui, je n'ai parlé, c'est La Guerre des Monstres, un film de 1968, avec des gars en soute. Bateau. Il y a Fred aussi qui est là, c'est ça que j'oubliais, je voulais gagner du temps. Fred Fournier, notre chaman mystique... revue titre. De presse, ouais, gros titre, revue de presse, le meilleur du journal gratuit. Ouais, ben, oh, c'est ça, ouais. On va l'avoir, lui, avec nous ce soir, tantôt, pour une chronique toute spéciale. Il m'a dit, j'ai gratté mes fonds de tiroir et ça sentait bon. Ben, moi, il m'a promis, finalement, un retour sur la fameuse histoire du cheval fou dans NDG. Et voilà! Qui est annoncé depuis deux semaines. Et ben, ouais. Voilà. Bon, on voulait savoir. C'est j'aime ça, toi, tu tiens des... Tu vas pouvoir effacer un post-it sur ton écran. Ouais, ah oui, moi, je vais cocher quelque chose. Étienne, c'est pour ça que c'est toi le plus sérieux de la gang. Sinon, ben, merci à tout le monde qui nous écoutait, en particulier au Brouhaha de nous permettre d'envahir la place à tous les lundis, et aussi à nos amis à Rouyn-Noranda et sûrement un petit peu partout ailleurs au Québec, on l'espère. C'est un 70% vraiment dans les cordes de ce que vous êtes habitués de vivre à deux. Oui. Juste avant de passer au clip que Renard Frac, qui est notre ami, nous a envoyé. Renard Frac qui tripe sur le trans et tout le reste, je veux qu'on essaye. C'est le dernier cadeau que Yannick a amené au studio. Ouais, là, c'est ça. Sur un green screen, c'est dur à voir, mais en fait, il s'agit d'un miroir. Ah, ben oui, voilà, on est Étienne Forêt. Avec un Pégase. Un Pégase. C'est malade. C'est quelque chose. C'est qui est heureux? Et puis, on voit le tube de l'air climatisé. Living the dream, toi. Ah ouais, air climatisé. Là, vous voyez un peu les ficelles là, de notre émission. Ouais, c'est ça. C'est comme un miroir quand on passe partout, à part à côté de la fenêtre qui flotte. Là. C'est vrai que ça tient. Ça arrête de tuer des affaires. Pas mal de. Hey, là-dessus, merci de nous suivre. Let's go, mon Mathieu. On part en 70%. On vient après ce clip de Renard Frac et puis sûrement un autre. J'aime bien le Sausage Samba. Yes. J'aime des affaires weird des fois. I'm not afraid of the dark. ça quand je suis en qui tourne dans ta tête. Tant de musique. On avait passé l'hiver. DJ, DJ Georges. C'est moi. C'est, oui, c'est DJ qui? Georges. Son nom, c'est quoi? C'est DJ Georges. C'est rap à belé. Fait qu'aujourd'hui, mes bons amis, bonjour premièrement. J'ai une chronique qui a été préparée par quelqu'un d'autre que moi. Eh oui. Oh, oh. Uh-huh. C'est... J'ai des fans comme ça qui, sur Facebook, m'ont monté une chronique. D'abord, je salue Jean-Sébastien Maréchal-Parent qui a écrit sur le vieux groupe Facebook de DJ Georges Hebdo, qui n'est plus bien utilisé, mais qui perdure. Il a écrit un top 5 des chansons de dingue, ça serait le fun. Puis là, il a commencé à nommer des titres. Puis ensuite, il y a Emmanuel Deslandes qui a embarqué puis qui a rajouté d'autres titres. Puis à un moment donné, ils se sont rendus jusqu'à 5. Tout ton crew j'ai a répondu. Ça, puis j'ai rien eu à faire. Excepté que j'ai fait une découverte. Puis j'ai enlevé une de leurs tunes pour mettre cette découverte-là. Vous allez voir que ça vaut la peine. Fait qu'on commence avec la première chanson de dingue. Il s'agit de la pétillante Nicole Martin. Oui. Et sa chanson « Dingue de vous ». Son album « Cocktail ». Je ne suis pas dingue de champagne. Je ne raffole ni de vin ni c'est d'alcool. Ouais, ouais, ça sonne. Ouais, ça commence smooth, ça. Oh oui. Il n'y a fait aucun chabola de da de da. Elle pourrait, mais elle n'en fait pas. Dingue que de vous. Certains sont dingues de hachis. Bien au bord de Brassard. Ouais, moi fait, pour tout dire, gabarit. Le hachis, on va y aller à Brassard. Je m'en fiche, je me connais. Ah oui, c'est vrai, c'est elle qui fait ça. Depuis. Du tout. C'est RP qui fait ça. Non, je. Ouais, voilà, voilà. Me suis dingue. Des liens dans ma tête, ça va vite. Mais voilà. Fait que dingue de vous. Je deviens dingue pour un mot. Et là, Cocktail Lounge, je vous avoue que c'est un excellent album. Si vous avez un peu d'argent à mettre, allez trouver ça. Mais si vous voulez en acheter juste un de ces deux derniers, prenez plutôt le précédent, Cocktail de tout ça. C'est le meilleur des deux. Le premier, c'est souvent comme ça. Fait que là, il y a un album qui s'appelle Cocktail Lounge, puis un qui s'appelle Cocktail de douceur. Oui, toi à la maison. Fait que le mot-clé, c'est pas cocktail, c'est de douceur ou lounge. C'est ça, faut différencier les deux. Bon, ceci étant dit, on va changer de genre un petit peu et on va y aller avec un autre style totalement, G-Squad. Oh, attention. G-Squad, le monsieur Super Boys Band qui nous sort, qui nous ramène en 1996 avec la chanson. Je suis Red Dingue de toi. Oh, Red Dingue. Red Dingue de toi. C'est la première fois pour moi. Ah, as-tu vu comment ils ont l'air pingouins sur les photos? Hein? Ça va faire bientôt 20 ans. Là. Ah, il était déjà ans. Rendu... Ça, si tu me permets, Étienne... Ça, c'est une photo, ils sont 4. Au départ, il était 5, le G-Squad, et Andrew est parti après avoir enregistré la moitié du premier album. Et voilà. Et Andrew, en fait, chante sur cette chanson-là. Donc, la photo que tu nous as montrée. Ouais, elle n'est pas représentative de cette chanson-là. C'est la pochette de l'album. Hein. Alors, c'était effectivement le premier album, éponyme, qui inclut le grand succès Touché en plein cœur, plus un inédit et trois remix. Bébé. Oui. Et bébé. Tout est bon sur cet album-là. Tout est bon. Comme un animal sauvage pour un Inuit. Oui, exactement. Ça a très bien vieilli. David Seb, qui vient d'arriver, et qui me dit que ça a bien vieilli. Il a raison. Bon, ensuite... Quelque chose qui vieillit certainement moins bien, c'est Patrick Sébastien, qui s'accroche quand même. Un genre de Mario Benjamin français, mais il y a une tribune plus grande. Puis lui, il fait des chansons dans le but qu'on les rejoue dans des occasions. Il a fait une chanson de Bonne Fête, puis là, il a fait une chanson de On a gagné. C'est comme générique là, qu'on peut mettre dans n'importe quoi. Là, tu gagnes, bras, ça. Puis là, il a fait la superbe chanson « On est des dingues ». Puis ça, c'est, j'imagine, simplement quand il y a un party. Vous allez voir comme c'est beau. Ça commence doucement, mais... Est-ce qu'on est prêt pour bouger? Ouais! Est-ce qu'on est prêt pour danser? Ouais! Est-ce qu'on est prêt pour chanter? Ouais! C'est parti! Hein? Ça, ça te met le party dans la place. Parce qu'on s'en fout. Voilà. Hey, ça tape vraiment beaucoup ses nerfs, ça, je trouve. Ouais, en tout cas, moi, je trouve que ça représente bien l'ambiance ici. On est des dingues. On est des fous. Puis on s'en fout de ce que pensent les jaloux. Mettez ça dans votre pipe. C'est pour ça qu'on a écrit une toune. Ouais. Pour le leur dire. Pour le dire à quel point qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent. À tout le monde, on va leur dire. C'est ça. Voilà. Combat perdu. Ça me rappelle que j'ai pas parlé du dossier Bougalou, mais il n'y a rien à en dire. Depuis deux semaines, il s'est absolument rien passé de ce côté-là. Ça serait d'avoir une petite intro. Bougalou! Bougalou, the story 2040! On commence la sixième semaine de ce concours qui n'a pas de date de fin officielle. Et jusqu'à présent, on en est toujours à trois participations. L'exemple du chanteur, ma super photo, puis la photo de la madame qui était là. La madame payée par un des Bougalous. Possiblement. Rien, ça stagnait beaucoup là, depuis deux semaines. Bon, on y va avec maintenant. Le communiqué ça va bien. Ouais. On était en conférence de presse ce matin. Puis, il était la toune des vainqueurs en background. On est des dingues. Bon, fait que là, évidemment, on se le cachera pas. On parle de toune de dingue. Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre? Ben, en position numéro 2, un incontournable, Stefano Di Mariano. Ah oui, ben oui. Hey, puis t'as trouvé une belle photo, ce monsieur. Alors, qualité audio assez minable. C'est tout ce qui existe sur les internets. Et j'ai cherché un peu pour trouver si quelqu'un avait un album enregistré de ça, une cassette, n'importe quoi. Je suis prêt à payer pour l'avoir, j'ai pas trouvé. Fait que si vous êtes quelqu'un qui correspond à cette description, ou si vous connaissez quelqu'un, appelez-moi, écrivez-moi, je suis facile à trouver. Puis on va vous donner plus que vous pensez. Ah oui! Ben plus que vous pensez, même après que Tommy ait dit ça. La fierté d'Angers, il paraît, ça peut peut-être aider à cibler la place là, en banlieue de Nantes. En France, on me dit. Oui, effectivement, en France. On rappelle que cette chanson-là est finalement un remake, un cover de Down in the Street de Shack Attack. C'est toi qui nous avais pogné ça, man. Oui. À 70%. Puis là, cette chanson-là est un cover, mais là, on est rendu à l'étape suivante, mesdames, messieurs. Et c'est là ma découverte que je mets en position numéro 1. On est rendu à l'étape que quelqu'un d'autre a fait un cover de Dingue de mon slip. Il s'agit de Boogie B, ou Boogie B, je sais pas comment il prononce. Moi, je trouve que ça se dit bien Boogie B, qui a fait Dingue de mon slip pas plus tard qu'il y a trois semaines. Donc, c'est tout chaud encore. Oh, misère. Exclusivité, 70%. C'est vraiment le Zeitgeist. Oui, ah oui, écoute. Il y avait 14 views. Juste au bon moment. Fait que, on écoute ça et moi je vous conseille de monter le son dans le tapis et de l'écouter au complet parce que c'est superbe. On va baisser un petit peu nos micros aussi pour bien la savoir. Oui, oui, ça vaut la peine amplement. Fait que Dingue de mon slip version Boogie B. À la semaine prochaine, les copains. Ah, merci, Étienne. Elles sont dingues de mon slip, dingue de mon slip, dingue. Elles sont dingues de mon slip, dingue, de mon slip, dingue. Il fait très beau à Saint-Tropez. Y'a des belles filles à Saint-Tropez. Y'a des beaux mecs aussi à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. Moi je t'aime à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. Elles sont dingues de mon slip, dingue, de mon slip, dingue. Elles sont dingues de mon slip, dingue, de mon slip, dingue. Elles sont dingues de mon slip. Elles sont mon slip d'amour. Elles sont dingues de mon slip dingue, de mon slip dingue. Elles sont dingue de mon slip. Ok, je suis retombé là-dessus dernièrement. On écoute tout le monde ensemble. On écoute, hein, on ne fait pas qu'entendre. c'est mon frère de France d'Amour. Les malaises. Crisis has hit hard everywhere. These days, it seems like no market is safe. But the adult entertainment business still rules the universe. It's time for every woman to take advantage of this. Forget about bitcoins, they were never an option. Pornhub presents Titcoins, the world's most beloved and safest currency. A whole new market format where everyone involved wins. Here's how it works. A girl goes to a business that accepts Titcoins, a bar, for example. She orders a beer. She wants to pay with Titcoins, so the bartender just needs to open the Titcoin app on a smartphone where he has previously signed up as a business. She flashes the bartender and gets the beer by paying with a picture of her boobies. No faces will appear. These images will become user-generated erotic content. A whole new Pornhub section filled with amateur breasts, the most demanded content on the internet. The business gets a day of premium access for each payment, and customers get discounts or free products in exchange for Titcoins. For example, free beers at bars, 20% discounts at convenience, grocery or liquor stores, camera-activated vending machines and jukeboxes, and of course, online stores activated with webcams. Pornhub will donate part of the benefits from the campaign towards breast cancer research in order to give back and help maintain a healthy market. In conclusion, we've created a brand new trade system where everyone wins, and one that makes the whole world happier. Pornhub. Money doesn't grow on trees, it grows on tits. On est envahi par les cyclopes. On est envahi par... Ouais, okay. Les paquets top des cyclopes, il y en a 6 dedans, Tommy. Cyclope, t'as la pointe-tu? Moi, je la pointe. Est-ce que toi, t'as la pointe, David? J'arrive. Une fois, c'est un gars, Tommy, il voulait rentrer dans les ninjas. Les ninjas se sont tassés, il rentrait dans un dojo vide. Oh! Voilà, je suis humoriste. Pas encore, t'as pas eu la carte? Ouais, j'ai eu ma carte, ça vient de rentrer, ma carte de membre. Ma carte de membre des humoristes? Ouais. L'UDI, l'Union des hilarants. Du Québec. Du Québec, je sais plus. Je m'en souviens pas, dernière fois que j'ai été aussi heureux, Tommy. Que présentement, tu veux ouais, dire? Ouais, ça va bien. Puis je voudrais en profiter pour être reconnaissant, Tom. Parce que non, c'est vrai, on... Premièrement, envers les gens ici, hein, qui on est ici chaque semaine, puis on prie le même Dieu, hein. Voilà. C'est beau. Ça me rappelle quand j'étais petit, puis que mon père me racontait l'histoire de la pieuvre. La pieuvre? Ouais, la pieuvre qui avait pris le contrôle de la planète, Tommy. Ouais, seule une personne pouvait la sauver, hein. Une seule, unique personne, l'élu. Pas la pieuvre, là, sauver la planète, tu sais. La pieuvre, mon père, lui, voulait la faire brûler dans des fours. Mais ça, ça avait été déjà fait à l'époque. Puis, c'est là que j'ai compris, hein, que le monde, des fois, ça imagine bien des affaires, Tommy. Je sais pas si... Je suis d'accord. Ouais. L'important là-dedans, je veux juste spécifier, l'important, c'est de pas perdre l'objectif principal, hein. Mon père, il disait « parler pour rien dire, je fermerai ma gueule », pas compliqué. Bon, c'était un homme d'une violence assez extrême, mais tendre et affectueux. Voilà, tendre et affectueux juste de par la manière qu'il avait de nous serrer le bras en nous le disant. Tommy, ça, c'est quoi? Un jouet squeak-oui. Ouais, c'est un bâton. Et c'est qui, d'après toi, qui a le plus gros bout du bâton? C'est celui qui a le bâton. Voilà. T'as tout compris. C'était ça. l'imagination, c'est une question de volonté, hein, Tommy? Ma mère, elle disait, si tu peux pas imaginer la liberté, ça sert à rien de prier pour que la police vienne le chercher. vous y repenserez chez vous. Tu sais, t'es aussi bien de te laisser mourir. J'adore le concept d'imagination, Tommy. J'adore ça parce que ça peut rester dans la tête, mais aussi se concrétiser, hein. Puis l'amour, la peur, la farine, ça a tout commencé dans une tête quelque part, ça, Tommy. Ben ouais, je te suis. On l'imagine pas souvent, ça. Mais la farine, c'est une invention. Non, mais c'est ça, ça fait 76 000 ans environ que l'humanité fabrique du pain. Hein? Puis c'est pour te dire comment c'est des fois penser que blanchir le pain, c'est une bonne idée, alors que non. non, ça, finalement... Non, ça a été prouvé. Mais néanmoins, c'est une belle invention, cette farine. Comme le mot « imagination », hein, ça, c'est une belle invention, ce mot-là. Selon Wikipédia, l'imagination est tout à la fois. La capacité innée et le processus d'inventer un champ personnel, partiel ou complet, à travers l'esprit, à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles de l'existence commune. Est-ce sapristi? J'ai poussé mes recherches, j'ai téléphoné dans une université de l'Ohio cette semaine. Et là, tous les spécialistes avec lesquels j'ai travaillé en sont venus à la même conclusion que moi. Tout ça est du domaine de l'inconscient, donc tabou, donc je suis gêné. Ils voudront jamais subventionner une recherche comme ça, je me suis fait répondre. Anyway, la vie, hein, c'est comme dans tout, faudrait pas que ça se perde, tu sais. Je suis avec toi là-dessus. Ouais, là, pour ça, faut comprendre une chose. Hein. Faut comprendre que la place que l'humain accorde à l'existence, hein, en tant que manifestation matérielle, a une grande part de responsabilité dans le fait que mondialement, la vibration moléculaire est plus stable. Hein. Bon, ça, c'est sûr là, que pour comprendre ça, il faut avoir pris certaines drogues. Ouais, ou vraiment, c'est Van Damme niveau 20, là, tu sais. Ouais, ça, il faisait chaud cette semaine chez nous. Et, comme je disais tantôt, Tom, les chances qu'on comprenne quelque chose à l'imagination est de l'ordre de 23,6 par rapport à une inclinaison temporelle de 18. Ça n'a aucun sens si tu prends en compte la règle de 3 puis l'équation droite. Mais attention, j'ai jamais dit que ce que je disais, c'était la vérité non plus. Ça, c'est vrai, Mathieu, par contre. Ouais, je me contente d'imaginer, puis pour un instant, j'ai oublié le temps. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. Et ce qui m'amène à te parler de l'envers de la médaille, Tommy, hein, l'imagination réchauffée. Celle que tu as déjà entendue, vue, touchée, mais que tu n'as jamais fini d'entendre, voire touchée. Hein? C'est celle qui flotte au-dessus du bol, Tommy. En boucle dans un centre d'achat, plein à craquer. Ma mère, elle disait, c'est deux par deux qu'on apprend à aimer l'autre. Elle disait ça. Je te parle bien sûr d'excréments. Tu parlais du numéro 2. Hein? De selle auditive, hein, comme diraient les spécialistes. D'ailleurs, savais-tu que l'expression « aller à la selle » était une expression du 14e siècle et qu'elle fait référence à un mot latin qui signifiait « chaise »? Non, je savais pas ça. Ben, moi non plus, Tommy. Moi non plus, je le savais pas avant que j'ouvre Google puis que je tape « étymologie, aller à la selle ». La curiosité, Tom, je le répéterai jamais assez souvent. Jamais assez souvent. Jamais assez souvent, Tommy. Ma mère, elle disait... Deux vaut mieux. Hey, on n'entend pas parler souvent d'elle. Non, ma mère, j'ai des petits tabous avec elle. Il y a des affaires que j'ai pas été capable de régler. Deux vaut mieux qu'un, tu l'auras. Elle disait ça, ma mère. Et ça, ça prenait tout son sens hein, quand j'y pensais plus. Sinon, en terminant, rien ne vaut imaginer juste quant à l'élaboration d'un plan qui se passe pas juste dans la tête, mais aussi dans l'esprit, hein, et tant qu'à y être, éventuellement, au mieux du possible, au niveau moléculaire, hein, parce qu'on se le cachera pas, je ne suis pas le seul à le dire, hein. L'interaction qu'offre la multitude de la vie est infinie, hein. Et quand j'y pense, c'est la seule chose qui me raccroche à la vie. Imaginez autre chose, hein. Et c'est pour ça que... Voilà. Tout ce temps-là, j'avais dans mes poches, hein, une chaîne en plastique. Et ça, je le dirai jamais assez souvent, Tommy. Jamais assez souvent. Jamais assez souvent. Jamais assez souvent, je le dirai. Il n'y a rien de mieux que quelque chose en plastique pour rire entre amis. C'est pour ça que je vais terminer ici, là-dessus. Maintenant. Là. Merci beaucoup, Mathieu. C'était un plaisir à chaque fois. Ça m'a fait plaisir. On va écouter un clip, ça s'appelle Crazy Rhubarb Lady. C'est la craze. Why don't you? Why don't you grow your own? This is not your fucking property. Go somewhere else. Well, this is not my property. Fuck you. Go mind your own business. No. You just don't know what's right or wrong, do you? You're fucking lure. You like to steal. You stick your nose in everybody's fucking business. This is goddamn alley property, bitch. No, it's not. This don't have your name on it. Where's your name, bitch? Excuse me. Where's your name, bitch? Where's your name? Where's my name? Where's your fucking name on this alley property, bitch? Where's yours? This isn't anybody that wants to pick it. Yes, it is. Okay, if it's anybody's property, why don't you come up here and mow it? Because my lawnmower is stolen, bitch, by a fucking pig. Oh, yeah, right. Yeah, you know any Iranian pigs around here that don't steal? That's right. Who was stolen by, right, bitch. So that's why you're so mad and you steal from everybody else. Oh, I asked, bitch. I've asked at 3 fucking places. They don't answer their fucking doors. Did you ever ask my mom who... This isn't hers. Yes, it is. Go to hell. No, you. You don't know how to cook anyway. Oh, are you videotaping? I'm videotaping. Oh, on video. I don't give a shit. This is a year. Yes, it is. It'll prove in a year. Oh, yeah, it will. Alley property, no, bitch. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, it is. You know where the alley is? Yeah, it's right here. Yeah, that's the right there. Your fence is there, bitch. Go mind your own business. Bitch, you want to climb this and that house over there? This isn't your property. Can I ask you something? Fuck off. Can I ask you something? See that fenced-in area up there that has all the wood? I haven't been in that, and I don't know what's in it. I could care less. This is not your property. No. See what that fence line is? I don't care less. That is not what's inside of this rhubarb. No, it doesn't. Yes, it does. This is alley property. No, it's not. Don't climb. Try to climb everything in this alley. It's not yours. Go back inside. No, it's doesn't bother you a bit. You got all that over there, so don't fucking try to copy. You try to claim everything. You like to steal from this? This ain't called stealing. Yeah, anybody can take anything from taking anything from you. Are they coming? Go back inside. No. You're a fucking troublemaker. No, I'm not. You're the one that's causing all the trouble. Yeah, you are. You came out here first. Go back inside. No, you were out here first. You're a troublemaker. I'm not stealing. You call him, bitch, you call him. Sweetheart? Call him, don't call me sweetheart, honey bun. What are you, fucking lazy? Sweetheart. Stay out of my business. Sweetheart. Honey bun, go back inside, bitch. Sweetheart. Go back inside, sweetheart. Yeah, go right ahead. I ain't scared of him. I got relations here, please. Go back inside. No. Go back inside. If you want to know where I'm from. Fuck you. Go back inside. No. I'm not in trouble, my whore. Yeah. Go back inside. You have some coffee. You're drunk and skunk. Oh, my God. Oh, that's funny. She don't even fucking drink, lady. Yeah, that's why she came out here to cause trouble. Dude, I was the first one out the fucking door, so shut your goddamn mouth. Shut your goddamn mouth. Why don't you go back in there and lose some weight, you big fat ass? Why don't you get a job? Property. Fuck you. Oh, bitch, touch me. I will. And then I'll press charges on your goddamn ass. Give me a phone. That way we have proof. You go right ahead. Look, we even got an audience watching us now. Go right ahead. No, look. You've given me fucking trouble before, bitch. You don't own this shit. you? You want my cell or you want cash? No, she does. I'm trying to cause trouble for you. Go right ahead, bitch. Well, something needs to be done because this is retarded. She tried to fucking hit me. Now she's leaving! Awesome! Go right ahead because you're not coming in there. Salut Fred. Allô Tommy. Yo, pi, pi. Ben, c'est ça, là. Pi, pi, pi, parle-moi aussi, pi. T'as-tu pogné ça, les Canadiens, ils vont finalement nous crier. La guerre reprend, hein? La on a vu ça hier, hein? Ouais, la guerre, ouais. Ouais la c'est... guerre reprend. On fait le Canada, beaucoup, c'est un pays en guerre, on oublie des fois, hein? Ouais. On est encore en Afghanistan. Les États-Unis aussi? Ouais, eux autres à plusieurs places. Donc, ouais, beaucoup d'animosité hein, entre les deux équipes. Il y a eu des flèches qui se sont échangées de part et d'autre, surtout chez les entraîneurs, hein, qui, selon moi, est une tentative d'essayer de détourner l'attention des joueurs pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, pousser la rondelle. Pousser la rondelle vers alors, les bords. Oui, je vous ai apporté des nouvelles. Hein. J'ai parcouru l'actualité et tout ça lors des dernières journées hein, et heures. Donc, pour vous, on commence avec la première nouvelle. Importante. Ouais. Un Chinois invente le chien panda à partir d'un chow chow. Oui, les animaleries chinoises sont remplies d'une nouvelle race de chiens étranges, le chien panda. Cet animal ne provient pas d'un croisement entre les deux mammifères, bien sûr que non, mais plutôt d'un chow chow maquillé. C'est le propriétaire d'une animalerie dans la ville de Chengdu, Ntsing Tsien, qui a créé le chien panda. Celui-ci tient le poil du Chow Chow et lui fait un toilettage spécial en 2 heures. Le nouveau look panda tient durant 6 semaines. Le maître de l'animal doit ensuite revenir à l'animalerie pour des retouches. Tu vois, on commence à lui donner de l'argent, puis ce qu'ils font avec ça, toi. Ben oui, hein? Il y a 10 ans, Tommy, les Chinois mangeaient les chiens. Maintenant, ils veulent un compagnon. Voilà. Donc, les mœurs ont changé en Chine. Oui, et voilà, hein, sa technique est maintenant répandue et c'est tellement populaire que la production ne satisfait pas la demande. Ah, misère. Bon, ben, bravo. Hein. Donc, deuxième nouvelle, hein, c'est pas très loin, toujours dans le règne animal, un husky élevé comme un chat. On a apporté ça à mon attention dans les dernières semaines. Après le chien panda, voici le chien chat. Un husky qui a été élevé comme un chat. Fait fureur sur le web, les photos de Tally, qui agit tout comme un félin, ont suscité tellement de questions que son propriétaire a dû expliquer son comportement via son compte Igmur, un site de partage d'images. Il n'y avait pas le choix. Hein, aucun choix. les questions fusaient de toutes parts, de partout dans le monde. Hein, c'est comme ça, l'Internet. Oui, surtout avec les chiens et les chats. De toutes les Amériques. Ouais, de toutes les... Ça a comme pris un mois avant qu'on s'intéresse aux filles kidnappées au Nigeria. Pis... Je sais pas de quoi tu parles, Tommy. Ouais. Les propriétaires ont tenu à préciser que la chienne n'est pas seulement un husky. Tally ressemble davantage à un malamute de l'Alaska et agit comme ce type de chien qui adopte parfois une attitude de chat domestique. Et toujours selon le maître, la chienne a été élevée avec plusieurs chats dans son ancien domicile. Cela pourrait expliquer pourquoi elle se cache dans une boîte et pourquoi elle se couche, qu'elle mange des minouches et qu'elle... Voilà, et qu'elle fait... Règle animal, encore une fois. Là-haut, on est encore dans le domaine des animaux. Adorable, plutôt. Une chèvre handicapée reçoit une chaise roulante. Frosty de Snow Goat, la chèvre la plus adorable des réseaux sociaux, a reçu un cadeau qui lui a donné une toute nouvelle perspective de la vie. Une chaise roulante. Attention. La petite chèvre recueillie par la Mission Farm Sanctuary en Australie a été abandonnée par ses anciens propriétaires. Atteinte d'une maladie grave, la petite avait perdu la mobilité de ses pattes arrière, en plus d'être déshydratée et couverte de plaies au moment de sa découverte. Oh. Et les bons samaritains qui ont adopté l'attachante chèvre lui ont prêté un engin en roulette appartenant à un cochon hein, auparavant. qui ne peut pas marcher afin qu'elle puisse déplacer, se déplacer toute seule. Et après quelques tentatives, la petite Frosty a réussi à vagabonder dans l'herbe. Ah oui, enfin une bonne nouvelle. Merci Fred. Ben moi c'est ça que je fais, hein. J'essaie de, d'éloigner le négatif. Oui, chaman. Un secret bien gardé. Et nous avons une photo d'archive hein, de la salle dans laquelle est entretenu le secret. Alors voilà. Le secret bien gardé. On saura pas, hein, c'est ça que tu nous dis. Un homme du Tennessee s'éprend d'un guichet bancaire. Oui, oui, à Mumfreesboro, Tennessee, un homme du Tennessee intoxiqué au point de tenter d'avoir une relation sexuelle avec un guichet bancaire et une table de pique-nique finalement déguisée derrière les barreaux vendredi soir. Selon la police de Mumfreesboro, Lonnie Hutton, âgé de 49 ans, est entré au Borough Bar and Grill. Barbie's Restaurant Grill. S'est amouraché d'une machine ATM et a tenté de lui faire l'amour après avoir baissé ses pantalons. Selon le site de nouvelles locales Wait.com, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, Hutton déambulait dans l'établissement en ondulant du bassin, nu de la taille aux pieds. Ils l'ont amené à l'extérieur et lui ont demandé de s'asseoir à une table de pique-nique. Selon le rapport de police, il s'est déshabillé à nouveau et s'est engagé dans une relation sexuelle avec la table de bois. Le chaud lapin a finalement été... a finalement été arrêté, détenu et accusé d'intoxication sur la voie publique. Il doit comparaître le 1er juillet. Ben oui. Hein. C'est l'ordre des choses. Emma Watson, diplômée. Hein? Emma Watson a officiellement reçu son diplôme et s'est empressée d'immortaliser ce moment avec le selfie, hein? Très à la mode par les temps qui courent. Emma Watson a confié au magazine Elle en avril dernier que plusieurs personnes ne croyaient pas que sa graduation serait possible. Elle voulait absolument obtenir son diplôme, un papier très symbolique pour prouver le contraire aux gens. Elle avait l'intention d'organiser une grande fête et de boire trop d'alcool lors de cette grande journée. C'est original. C'est fait dans les règles. Ouais, hein, je vous l'ai montré, hein? Voilà. Et voilà, ben bravo, dans bravo votre face, Emma. Yo! Yo! Rihanna et Charlie Sheen, hein? Ah oui, on en veut plus. Ouais, ouais, c'est explosif, hein? S'insulte sur Twitter. Alors, un tweet fight comme il ne s'en était pas vu depuis très longtemps. Morgan Freeman sur l'hélium. Hein? On sait, plusieurs acteurs ont leur drogue de prédilection, mais Morgan Freeman s'est tourné dernièrement vers l'hélium, un choix intelligent. La voix grave et apaisante de Morgan Freeman, hein, telle qu'on la connaît, a contribué à son succès grandement. Et l'acteur a souvent prêté son timbre vocal chaleureux, parfait pour la narration, à des publicités, des documentaires. Qu'en est-il de cette voix légendaire lorsque l'acteur aspire de l'hélium? Eh bien, tout ça est maintenant possible de regarder, selon un visionnement sur YouTube, cette vidéo légendaire et virale depuis sa mise en ligne. Le clip a été réalisé pour... c'est pas important, cette information-là. Et en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une vidéo tellement cocasse. Je veux dire, c'est viral présentement et c'est tellement drôle. Faut voir. Top humour. On pourrait le mettre, mais on a décidé de pas le mettre parce que c'était trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Je pense que l'Internet aurait explosé une fois de plus. Je la ris encore. Est-ce que t'en fais une dernière avant qu'on poursuive l'émission, avant que tu reviennes pour un deuxième bloc? Oui. Il s'enrichit de 89 sous grâce à la disparition du sous noir. Et oui, un Montréalais calculé que l'élimination de la pièce d'un sou lui a permis de s'enrichir après avoir analysé l'ensemble de ses transactions en argent comptant pendant un an. Depuis que la pièce en cuivre a été retirée de la circulation, hein, depuis le 4 février 2013, Roger Guitard a compilé toutes ses transactions en argent comptant afin d'en connaître l'impact sur l'état de ses finances. Il s'est ainsi effectué 365 transactions en argent comptant durant son année fiscale et ces données lui permettent de conclure qu'il s'est enrichi de 89 sous. Il cite, par exemple, en avril... « J'avais un excédent de 5 cents », explique M. Guitard en entrevue. Alors, il balançait au-dessus. Les transactions en argent liquide doivent être arrondies à 5 sous près. Si un client doit payer 1$ 1, 1$ 2, le commerçant doit arrondir par le bas. 2, 3 ou 4. Ouais, ouais. Ouais. Et ici, on a acheté des fleurs pour 11,48 puis ils m'ont chargé 11,50. Fait que j'ai perdu 2 cents. dit M. Guitard en exhibant ses reçus de caisse. Voilà. Ce résident de Rive-Sud a envoyé les conclusions de son rapport au ministère des Finances, qui l'a remercié de s'être penché sur la difficile question. M. Guitard conclut donc, après son étude approfondie, que l'élimination de la pièce de 1 sou n'a pas d'effet négatif significatif sur les portefeuilles des Canadiens et Canadiennes. Merci beaucoup à M. Guitard. Merci, Fred. Il fallait que quelqu'un le fasse. Ouais, ça, c'est sûr. On a un beau clip ici, tu vois. Ça s'appelle My Pussy is Magic. Ladies, on revient à 70%. This song is going out to you. It's dedicated to all the ladies, but it's for the men. Ladies, we got some power down here. We got to take back the night. You know what I'm saying? We got to take it back. This is ours. So listen up, everybody. I'm like a wrestler. Glitter, sprinkles, rainbow fluff, and all sorts of other kind of mystical stuff. It's hidden in my vagina. It's a piñata so divine. And there's a power so deep within that plot. A force that's a try, control I cannot. It's an avalanche of energy. Let's unleash that mystery. If you want to see the magic within, rub it with your wand and let the magic begin. Say the magic words that I want to hear. Not abracadabra, cause that shit is not real. Get me by my entrance like a bowling ball. And roll into the bedroom at the end of the hall. Turn off the lights now and take off your pants, cause you're about to learn what happens when this pussy enchants. My pussy is magic. My pussy is magic. Magic, magic, magical. My pussy is magic. My pussy is magic. Magic, magic, magical. Mighty magic power captures everything it touches. You can't get away once you're trapped within its clutches. Maybe someday you will be able to decipher the mystery around the dark hole so many died for. The mystery is simple, it involves your dick. But pussy doesn't fly around upon a broomstick. You only need to let me in to do it real quick. When dipping, you will slip into a cursed pussy addict. It's holographic, orgasmatasmic, wholly organic, so there's no need to panic. A controllable climate's in this warm lake of privates. But don't piss it off while you'll encourage black magic. And you don't want that, no. You don't want that. Don't be afraid of what you don't understand. Get ready for a journey to a mesmerizing land. Listen up. My pussy is magic. My pussy is magic. Magic, magic, magic. Every lady is. Pussy is magic. My pussy is magic. Magic, magic, magical. My pussy is magic, magic, magic. Ooh, ooh, ooh. My pussy is magic, magic, magic. Yeah, pussy will be with you if you give it the chance. When many of you are normal, then you're under its trance. It will become your new religion. I saw it happen in a vision. Don't you stare in the diagonal eye. The pussy is incredible, you will not recognize. Its magic is quite advanced. A fascinating sleight of hand. One whiff of this potion, you become entranced. Hypnotized, forced to do its dance. And you don't want that, no. You don't want that. It's like a drug, or an evil little hug. It gets into your system like a parasitic bug. And then you begin to be released from this bag of energy. But it's too late now, you're in chains. Feeling tethered and deranged. You're acting stupid, acting strange. Oh no, you're bugging! Salut David. Salut Tommy. Fait que là, t'es allé filmer des affaires encore? C'est une petite démonstration de foulard qui swing, là. Ça swing, ça swing. Ils savent là, qu'il y a personne qui va s'envoler, même s'ils essayent tout, là. Ben, je pense que c'est simplement une méthode franchement économique de se faire un petit courant d'air frais. Ah, OK. Ce n'était pas des hélices faites maison, c'est ça que tu me dis? Exact. Ah, OK. Ah justement, on va commencer par quand même. Bonsoir tout le monde. Hey, salut David. C'est moi qui ai cadré, puis j'ai pas fait ça comme il faut. Faut que tu te tasses un petit peu par là. OK. Encore un petit peu. C'est parfait, yes. Ça. Fait que j'en parlerai pas longtemps, mais je vais quand même en parler parce que je me suis posé cette question-là, quand même un petit peu d'ordre philosophique. On a une équipe de soccer aujourd'hui. Je peux dire soccer. On va s'adapter à la clientèle. Changé ton discours depuis. On dit soccer. Moi, je dis football, mais je suis capable de dire soccer. On est capable d'entendre football. On va parler de football d'abord. OK. Parce qu'on s'en fout. L'Impact de Montréal. Ça porte mal son nom. Je veux dire, l'Impact. Moi, je vois pas d'impact là, avec les scores que je vois. Je vois juste du vent. Le même genre de vent que dans le studio, là. Ou tu sais, quand tu poses une question à Mario Lemieux, là... bref, ouais, t'entends plus. Un mot pour nos propriétaires Saputo. Si vous n'êtes pas capable de changer le joueur, commencez par trouver un nouveau nom. Quel impact, tu veux dire? Mais genre, aucun impact. FC. Ouais, ben... Les AI. Le minimum d'impact. Ou joue dans la même ville que le Canadien de Montréal, Football Club. Tu comprends? Ouais. Il est pas si bon que ça. Ah! Bon, ben ceci là, c'est dit, c'est séries, vraiment tout ce que je veux dire de nos amis montréalais. C'est réglé, il faut changer le nom. Exact. Il voilà. Faut juste changer le nom. Le reste, c'est une question de sous, et puis c'est pas moi qui va régler ça pour vous. Je veux commencer ma chronique. On va commencer à mettre un peu d'ordre dans cette chronique-là. Ah ouais. On est avec toi, David. J'ai reçu quelques commentaires sur mon retour de la semaine dernière. Fait que juste en trois petits points, ma petite section back sur le match. J'ai eu des gens qui m'ont critiqué. Je sais, j'ai eu l'apport de Mathieu Boudreau et de Bruno Corbin par rapport à, tu sais, l'échange de championnat entre le FC Barça et le Real Madrid. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Donc, je vais vous demander, tout simplement, je vais vous donner deux sites Internet pour aller chercher de l'information. Et voilà, on parle de tes sources. Là. Donc, Liga BBVA, donc LIGABBVA.com ou en français, l'équipe.fr. Sortez un beau tableau, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. On parle de 10 ans avec les deux mêmes groupes qui s'échangeaient la balle. Et voilà, c'est dit. Deuxième point. J'ai eu des critiques par rapport à mon maillot de l'équipe de France que je portais la semaine dernière. Bon, là, vous avez remarqué, je suis en bleu. Hein? Tu m'as pas posé la question, d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas mon maillot de foot aujourd'hui? Ben oui, c'est vrai. Boycott, c'est quoi qui se passe? C'est pas un boycott. On m'a reproché de porter le maillot de la saison 2012-2013. Ah, t'es plus actuel. Je n'étais pas actuel. Fait que j'ai cherché. Sachez que j'ai commandé mon nouveau maillot pour la Coupe du Monde 2014. Okay. Je veux dire, je suis absolument dans ce courant-là de consumérisme sportif. Sportif. Ah, ouais, ouais. Je vous dirais, ça m'a quand même surpris. Habituellement, ça me coûte. Ben, je veux dire, les gens qui me connaissent, moi, j'ai beaucoup de maillots. Bon, je pourrais porter un maillot par jour pendant environ presque 6 semaines. Quand tu considères que j'ai des maillots de juste 2 équipes, soit l'Olympique de Marseille et l'équipe de France. Tu peux comprendre, j'en ai quand même plusieurs. À tous tes gens, OM style. Si OM. Okay. Aller l'OM quand c'est local, puis l'équipe de France quand on a besoin de se parler à l'international. Et voilà. Et voilà. Sauf que là, j'étais surpris parce qu'habituellement, ça me coûte à peu près 100$ le maillot. Et puis là, je ne l'ai pas trouvé. J'aimerais ça que tu me montres la première photo. J'ai tapé, j'étais chez Sport Expert, endroit où est-ce que j'ai acheté mon dernier maillot. J'ai tapé Coupe du Monde et à mon grand désarroi, tu vois, il y a quelques souliers, il y a un ballon ou deux, puis on arrive dans les maillots. Alors là, je vais te les citer dans l'ordre, de gauche à droite, de haut en bas. Alors, Sport Expert ont le maillot de l'Italie, le maillot du Brésil, ils vendent le maillot de l'Argentine, le maillot de l'Espagne et le maillot de l'Allemagne. Puis on voit aussi, c'est l'Argentine. Puis il y a l'Argentine en junior après, voilà. Effectivement. OK. Moi, je vais te dire, c'est du racisme. C'est du racisme, pourquoi? Parce que personne n'aime les Français. OK. Et ce point-là. Pas du racisme. Où sont les Américains? Ah, aussi, oui. Où sont les Belges? La puissante équipe canadienne. La puissante équipe canadienne qui a participé une seule fois en Coupe du Monde, c'est en 1984. Oh, on était jeunes. On était jeunes. J'avoue, oui. C'est pas oui, près de réarriver. L'année de la fusée, même. Les Chiliens. Ou comme toi, Tommy, né d'une mère suisse et d'un père de l'Honduras. Oui. Ben, t'as ni un ni l'autre. Aucun de ces deux pays se trouve. Et voilà. Le Portugal. Qu'est-ce qui va se passer avec nos amis du plateau? Où est-ce qu'ils vont acheter leur maillot? Ils vont être obligés d'aller sur eBay. Après ça, le gouvernement c'est va ça. Venir taxer ces petits commerçants-là qui nous achètent des trucs de la Chine puis vous envoie ça sans frais c'est dans votre boîte aux lettres. D'ailleurs, on veut même éliminer les postiers. Faites ça vite. Qui aurait cru que l'apocalypse débuterait par... ça. L'abolition des... Les gilets. Ouais, ouais. Ben, quand même, je suis Sport Expert. Sport Expert qui était parti du groupe Forzani, qui a été vendu en 2011 pour 771 millions à Canadian Tire. C'est du canadianisme, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez, ça, c'est pas juste que j'ai pas mis mon maillot. C'est une façon de dire à Canadian Tire, je boycotte tes produits. Comment ça avec toi? Puis troisième point, back sur le match, je vais faire ça rapidement. On a parlé de l'Atlantico qui a gagné le championnat espagnol, mais j'ai oublié de faire mention du fait qu'elle allait se revoir en finale de la Ligue des champions samedi dernier. Mais là, je vous le dis, ça a été 1-0 pour l'Atlantico tout le match, jusqu'à la 93e minute où le Real a enfilé 4 buts. Ben voilà. Ça finit 4-1. Mathieu est bien impressionné. C'était... Non, mais la description comme rappelle c'est... bien le match. L'heure et demie du match. Chose, ouais. C'est rapide quand même. Ouais, je t'ai fait ça bien, je fais ça concis. Ah ouais, oh, ouais, mais je vous laisserai pas sans testostérone, mon Mathieu. Tu vas regarder ça. Oh, on va commencer oui. avec une belle photo qui est quand même la photo de cette Ligue des champions. On voit un bon Zidane. Est-ce qu'il est enragé sur cette photo-là? Oui, oui, je pense que oui. Wow. Ça, là, on sent qu'il pointe comme sa femme qui accouche. Là, genre. Ça, mon Tommy, c'est là, un garçon. Ce gars-là, ça va être notre prochain sélectionneur. C'est le sauveur. Notez. Ah, okay. Zidane, on est avec toi. Ah, ça va mal en France, genre? Ça va pas... Ça a déjà été mieux. Sinon, on peut passer à la deuxième qui fait suite au but à la 125e minute de Ronaldo. Alors là, mesdames et messieurs, il y a autant de buts que de matchs que de foot que Tommy a écouté dans sa vie. Voilà. Il y a plus de muscles ça sur ça veut dire aucun. Donc voilà, c'est les deux belles photos qu'il y a à retenir. Donc si vous n'avez pas pu écouter la Ligue des champions qui s'est déroulée les 9 derniers mois, mais je pense qu'avec ces deux photos-là, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Ouais. Ben, merci, c'est... Je pensais que j'avais raté de quoi. Voilà. Donc ça finit mon récap de back sur le match. On va passer avec les actualités assez rapides en deux points, trois points. Premier point, ben, demain, c'est le match amical France-Norvège. Un match amical, pourquoi? Parce que ils vont se préparer, ils vont s'entraîner, ils vont essayer de ne pas se faire mal. Pour ceux qui vont suivre ça sur Twitter, le hashtag, c'est Franor, F-R-A-N-O-R. Mais ce que je voulais te montrer, si tu regardes, si tu passes à l'image Ils ont même donné une hache au lion qui marche debout. L'autre, c'est un cas. Ouais. Ça, c'est au niveau design, au niveau graphisme, je la trouve quand même pas mal. Après, tu vas me dire, qu'est-ce qu'un coq comparé à une hache. Je veux dire, il n'y a aucune chance, le petit coq. Mais ils l'ont fait gros, là. Le petit coq, il sort du rond. Là. Ouais, j'avoue. Ouais, okay, ouais, c'est quand même un vilain coq. Non, non, mais il va sortir du rond. Il va sortir du rond, ce petit coq. OK, c'est bon. On va suivre. On poursuit. Avant d'arriver avec les photos, je vais juste vous dire, avec la presse, bon, il y a des gens qui suivent la presse. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Vous allez me dire, l'erreur est humaine, blablabla. En plus, c'est un article de l'agence France Presse. Mais je tiens à ce que ça soit vu, parce que les gens autour de moi critiquent souvent le Journal de Montréal. Ils disent « Bon, c'est de la boîte, c'est ça, nanana. » Attendez, là, je vais vous montrer c'est quoi de la désinformation. Puis on va faire un petit comparatif, on va revenir sur le hockey pour que les gens comprennent. Tu peux me passer la première photo parce qu'on voit Samir Nasri en bleu. Mm-hmm. Et on voit, c'est très bien écrit que Nike va réinvestir dans le Manchester United. On voit bien que Samir Nasri... Même moi, je le sais que c'est... Et voilà, en tout cas. Vous voyez? Donc, Samir Nasri qui joue pour Manchester United depuis 2011. Il a gagné deux championnats anglais sur les trois dernières années. Il a été sacré champion juste la semaine dernière. Et l'agence France-Presse et la presse parle de Manchester United et de Nasri comme étant membre de cette équipe. rivales, donc ça n'a aucun sens. J'ai envoyé un tweet à la presse et Jessica et on peut voir la réaction sur la photo suivante. Ouh! Voilà. Là, ils ont pris une photo qui coûtait moins cher. Vous voyez, habituellement, maillot, il porte ces couleurs-là. Donc, on est quand même une petite différence. C'est comme si je parlais du gardien des Bruins et j'avais une photo de Carey Price. Ah! Ouais. Hein, aucun respect pour ce que t'aimes, man. Donc, la presse égale désinformation. Désinformation. C'est dit. J'aime ça, man, d'être à la source. Ils ont dit, on s'en fout. On s'en fout. Et je vais finir avec ça. On regardera pas la dernière photo que je t'ai mis. Le numéro des joueurs, c'est pas important. Je vais juste y aller avec un petit sondage BVA pour le journal Le Parisien en France. 78% des Français ont une bonne opinion du nouveau sélectionneur français Didier Deschamps. Je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, j'ai mentionné que je pensais que la France allait gagner la Coupe du Monde. Oui, tu as dit ça. C'est vrai. Tu as commencé ta chronique en disant ça. Ben, ce soir, je vous annonce que le peuple français est derrière moi. Non, le peuple français pense la même chose que toi. Pense la même chose que moi. Mmh. Vous êtes pas mal à être dans le... Non, mais c'est bon. C'est bon. 39% pensent même que c'est le meilleur sélectionneur des 20 dernières années. Tu vas me dire loin derrière Aimé Jacquet qui avait... 80% d'appui. On s'entend, lui a gagné la Coupe du Monde en 98. Mais il est quand même devant des gens comme Jacques Santini, qui a 8%. Est-ce que tu connais Jacques Santini, Tommy? Il me regarde. Non. autant que toi, Tommy. Mais non. Je sais pas. Ouais. Parce que lui aussi, il est passé comme l'impact. C'est-à-dire comme un coup de vent dans l'équipe de France. Je conclue là-dessus. On se voit la semaine prochaine. D'ailleurs, juste vous dire, j'ai une amie qui est au Brésil, qui est atterrie au Brésil samedi dernier. J'ai reçu des photos et des vidéos. Elle est à côté, son hôtel est à côté d'un site de construction de stade. J'ai des photos Seigneur. Également. Ils n'ont pas encore fini les stades. Je sais que c'est la semaine prochaine, Tommy, mais ça, tu leur diras à l'ambassade. Écris à l'ambassade. Et on a des photos d'une de journaux. Donc, la semaine prochaine, j'ai vraiment quelqu'un sur le terrain qui va être là jusqu'au début de la Coupe du Monde. Donc, ça va être vraiment du fresh stuff, du contenu original, juste pour vous, mes amis, 70%. Parce qu'on s'en fout. Et voilà. Yes, sir. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Hey, va pas trop loin, va pas trop loin. Okay. En fait, c'est notre montage des informations de la semaine et on va le commenter en le regardant. Concentré douteux hebdomadaire, c'est Marc-André Labelle qui prend ça sur le site, le groupe Facebook. En tripoteur, ça, oui, ça a été un grand classique. Cerveau en prime, ouais, ça, c'est de la désinformation, le Gorafi. Est-ce qu'on parle assez de Boom Desjardins? Jamais assez. Ah oui, c'est vrai ça. Ils vendent des planètes. Ah, tu mets ton... Non. Non, non, non, non. C'est non, machine non, laitière. Ben oui, elle m'a fait peur toute la nuit. Ah, ça, c'était pas mal drôle aussi. Ouais, ouais, ça là, c'est... Ah, ben oui. Ah, Pac-Man. Il y avait une affaire illuminative. Ah oui, elle s'est motivée, elle pense. Ouais, elle pensait. C'est le bar à porter votre danseuse. Ah, les ouais, hey, je veux pas voir ça exploser, moi. C'est un drôle de phénomène, ça, les baleines qui explosent. Ça, c'est utile. Ça, c'est utile. Ça, des condos, ouais, des condos. Ah, j'ai vu un petit topo sur Rob Ford à Fifth Estate. C'était vraiment intéressant. Je veux dire, t'avais toutes les adresses où trouver des trucs à Toronto. Là. Faire pipi comme un homme. Le comble. Vertical. Le comble. Le comble. C'est drôle qu'on voit Rob Ford et une pizza après. On dirait que c'est un pléonasme. Mais tu vas dire qu'il me manque Gaétan Barrette. Ah, Gaétan Barrette, ouais. Il manque presque tout le temps Gaétan Barrette. Sauf quand Gaétan Barrette est là. Ah, je l'ai écouté celui-là aussi. Il a toujours été gros, hein, Gaétan Barrette. Oui. Parlant à sa mère. Mm. Incapable d'arrêter de danser. Ouais, ça, c'est le pas pire, ça. Ouais, ben. Ça, c'était-tu vrai, en fait, cette nouvelle-là? Il paraîtrait. Ben. Je sais pas, mais. TVA nouvelle, c'est sûrement la meilleure. Sérieux, hey, Tommy Godette, c'était moi. J'aime... Hey. Moi aussi, j'aime ça. Pauvre fille de Laval. Ah oui, son chum, il tripait sur le hockey. Ça, c'est la même que tantôt, là. C'est ouais, que le fantôme est revenu. Ah, toi, oh, il a la gueule. Ça fait cuire du pain, ce monde-là. Il est allé faire cuire du pain en veston-cravate. Plancher des vaches. Ça, c'est pas pire, ça, le corrompu accroché au poteau. Ouais, ouais, j'ai des photos comme ça, j'ai l'air de vous montrer ça. Ils vendent... 2 piastres, l'enfant imaginaire. C'est ça que mon père a fait avec le mien. Et voilà, c'est la photo de Marc-André. Les gens s'en souviendront comme étant le Marc-André. On écoute, en fait, ça va être un montage, un rant de Rick Mercer. Je l'aime bien gros. You talk about Rob Ford. There really is very little left to say about Rob Ford. The truth is that man is so messed up. If he didn't have family and money, he would probably be on the streets barking at parking meters. He's this close to biting the heads off live chickens on the Latin American freak show circuit. But no, of course, instead, he's the mayor of Canada's largest city. And like another man, whose name escapes me at the moment, but recorded a song called Gangnam Style, he is temporarily an international sensation. So, is he bad for Toronto's reputation on the world stage? Not really. If anything, he makes us more interesting. And let's face it, Toronto could use the help. So why is he so popular? Well, number one, he's obviously entertaining. He's gone from being a car crash to a 10-car pileup to a scene in a disaster movie where space junk flies out of the sky, crashes into an overpass, it tumbles over, crushes a busload of singing nuns. Huge laughs. The other reason he's so popular? Number two, his agenda. What about all those people in Ford Nation who say they will vote for him tomorrow? What they are saying, loud and clear, and what everyone on the left should pay attention to is this. They are saying, we would rather have a guy on crack than a mayor who will raise our taxes. They are saying, we don't care if he drives his Escalade drunk through the city. We care that he wants to privatize garbage collection. They are saying, we will vote for a gerbil if we get a dollar back. Rob Ford's popularity has nothing to do with the man himself. He is a circus act, but his politics are very real, and they should not be written off just because he's about to be. Oh yeah, c'était un rant de Rick Mercer, c'est vraiment hot comment il fait ça, pareil, ça fait quand même une bonne dizaine d'années minimum qu'il fait ça, c'est un humoriste canadien qui a commencé à This Hour Has 22 Minutes, à mon sens, de la manière que je le connais. J'ai été très content dans le temps, je l'avais rencontré à Toronto quand je suis allé faire un voyage là-bas. Là-dessus, ça nous amène vers la fin de l'émission, Fred? Hey! Fred, toi t'as deux nouvelles, tu nous as gardé deux nouvelles pour la fin. Ouais, plus que ça, Tommy, hein, je vais prendre toutes les 7 minutes à ma disposition pour compléter mes gros dossiers. Et voilà. J'avais, entre autres, gardé deux nouvelles d'il y a deux semaines. Et oui, je vous avais promis ça la semaine dernière. Vu que je suis un homme de parole, je viens vous en parler aujourd'hui. Et on commence tout de suite hein, avec une des nouvelles qui n'est pas celle que je vous avais promise, mais tout de même. Donc, Obama s'offre un plaisir rare, hein, une marche dans Washington. C'est assez incroyable que cet homme-là puisse utiliser encore ses pieds. Hein? Ouais, c'est vrai. Hein? Il est allé librement. Dans... Hey, ouais. Check ça, il y a 49 gars autour. On pensait pas que c'était possible, mais effectivement, Barack Obama s'est offert mercredi quelques minutes de marche dans Washington. Un plaisir rare hein, pour le président qui ne se déplace habituellement qu'en véhicule blindé, même pour quelques centaines de mètres. Ouais. L'ours est lâché. Plaisanter Monsieur Obama. Qu'est-ce qu'il est drôle, cet visiblement homme. D'excellente humeur. Hein? Ah oui. En sortant à pied du complexe de la Maison-Blanche pour se rendre au ministère de l'Intérieur. Ha! Ha! À deux pâtés de maison de là. Wow, hein? Ça veut dire que d'habitude, à deux pâtés de maison de là, il est obligé de prendre le char. Ouais. Ouais. Okay, non seulement le char, but « The whole shebang ». Ouais, ouais, know? C'est ça, ça doit être comme rentable, rendu là, d'y faire un tunnel, quelque chose. Souterrain. Souterrain. Ça pourrait être pas j'aime l'idée, Tommy. Ben oui, il s'est aussi exclamé, hein, « Ça fait du bien de sortir !» Il a rajouté « Me rappelait plus que c'était aussi le fun dehors !» Faisant référence aux nombreuses tortures qu'il subit. Ainsi qu'au soleil plombant sur son front. Voilà. Tout de même escorté de garde du corps, hein, le dirigeant, veste jetée sur l'épaule hein, avec du style, il a pris le temps de discuter avec des touristes, dont des Israéliens et des Chinois, donnant la preuve hors de tout doute que le président est un homme du peuple. Voilà, hors de tout doute. Donc, la pluie de météores déçoit hein, aussi. Les astronomes amateurs et professionnels d'Amérique du Nord ne cachaient pas leur déception samedi après qu'une pluie de météores annoncée comme potentiellement spectaculaire. C'est arrivé bien faible. Hey, c'était dol. Tu le regardais avec ton fils, hein? Ben oui. Je tapais dans mon fils 10 minutes après que ça soit commencé. Pas assez d'action. J'ai vu aucun gun, aucune boule. Mais à voilà. Peine des explosions. Non, je te dis. En tout cas, plate. Une première giboulée de ces étoiles filantes, connue sous le nom de Camelopardalide, devait être visible dès 22h30 vendredi soir depuis les États-Unis et le Canada. Mais cette pluie de météores que l'Observatoire naval des États-Unis a qualifié de feu d'artifice potentiellement spectaculaire a déçu. Ben oui, mais rendu là, ouais, style. Seuls quelques scintillements, Tommy, sont venus illuminer le ciel. 3-4. Même une caméra de la NASA pointée vers les astres n'a saisi que quelques rares passages de météores. Camelopardalide est un fiasco, engageait un internaute sur Twitter. La nature nous a voilà. Déçus. Ben, c'est encore une fois. Aucun remboursement ne sera remis pour l'événement gâché. Ben oui, c'est sûr. Après ça, on se demande pourquoi qu'on a éliminé les dragons. Pas fou. Let's go next! Un homme attaque une voiture dans une tentative de tuer le seigneur noir Morgoth. Ouais, ouais. À Portland, en Oregon, un homme vêtu d'une chainmail en se décrivant comme étant un elfe de haut niveau a prétendu tenter de vaincre le maléfique Dark Lord Morgoth lorsqu'il a donné un coup d'épée sur la voiture d'une femme. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce fan de J.R.R. Tolkien a pris du LSD peu avant le moment où il a décidé de tenter de couper une sédane. Ben oui, mais il me semble que Bruno n'avait parlé de celle-là. C'est une bombe, ça, pareil. Ah, ben voilà. Ça devait être drôle en crise de voir le gars avec la two-handed. Ouais, ça... Par contre, une information, je crois, que Bruno avait possiblement omise... Ça me surprendrait de lui. Ami Godette. Personne n'a été blessé dans l'incident, autre que la voiture ainsi que la fierté des elfes partout autour du monde. Yeah, ça, oui, c'est voilà. Sûr. Pauvres elfes. Ils se font pas pogner. On s'en crisse pas. Et donc, maintenant, pour les deux nouvelles telles que promises, le deuxième plus grand casse-tête au monde pour Jean-Paul Ouellet. Je sais qu'Étienne était impatient d'en entendre parler. Alors, voilà, Étienne, c'est pour toi. Pourquoi viser être le premier quand on peut être bon deuxième? Voilà. Eh bien, c'est ce que Jean-Paul Ouellet a réussi. Matane, hein? Passionné de casse-tête, Jean-Paul Ouellet de Baie des Sables, près de Matane, vient d'en terminer un de 24 000 morceaux. Ce géant qui mesure 4 mètres 28 par 1 mètre 57, environ 14 par 5 pieds, est le deuxième plus grand au monde. Il a pris 4 mois à le compléter à raison de 4 à 5 heures par jour pour le faire, ce qui veut dire environ 550 heures. Il n'a pas eu d'aide, ou presque. Le monde n'embarque pas dans son trip, il fait dire qu'il est déçu. Ce qui est surprenant, par contre, hein, dans toute cette histoire rocambolesque, c'est que M. Ouellet l'a réussi pour la deuxième fois. Alors, il le connaissait déjà, hein, ce casse-tête. Ça veut dire qu'il y a deux fois la deuxième place. Deux fois la deuxième place. Fournissez-y un plus gros, me semble, c'est pas tant que ça, comme pour un record. Ouais, me semble, moi, j'imaginais, là, tu sais, un demi. Le premier, c'est-tu comme là? 80 fois cette grosseur-là, là, ça deviendrait comme plus, genre... Ouais, je ne détiens pas cette information, malheureusement. Et voilà, on va avoir une autre suite. Certain que c'est une tête de Mais la première fois que M. Ouellet l'a complété, c'était en 2008, alors que le casse-tête baptisé « La vie, le grand défi » était considéré comme le plus grand au monde. Du moins parmi ceux commercialisés. Donc, c'était à l'époque le plus grand au monde. Et voilà. OK, fait que là, il a fait le mêlé grand du deuxième. Fait que là, il l'a refait. C'est-tu plus facile la deuxième fois, tu penses? Moi, je pense que oui. Là, tu dis, ah, lui, il m'avait fait. Ouais, ça va dans la 17e rangée, c'est ça? Ah, j'ai la réponse. Il est demeuré quelques années, mais a été dépassé depuis par un gigantesque mur de 32 256 pièces. Oh, attention. Il est vendu en 8 sachets de 4 032 pièces avec une petite valise roulante, tellement il est lourd. 17 kg. Il mesure 5 m44 par 1 m92, environ 18 par 6 pieds. On dit qu'il est aussi grand que deux portes de garage. Quand même. Hein? C'est pas pire, ça. Même. Ça devient quand même de la job. Tu fais le tour. Le truc, c'est de commencer en faisant le tour. Retraité, hein, âgé de 80 ans, monsieur Jean-Paul Ouellet. Hein, bravo, Jean-Paul. C'est un grand adepte de casse-tête depuis longtemps. J'en fais depuis que je suis jeune, mentionne-t-il. Ma façon, à moi de passer le temps, chanceux d'avoir des bons yeux. Derrière lui, dans son local du sous-sol exclusivement réservé à son passe-temps, les ouvrages précédents sont bien rangés sur une tablette. Hein? Plus deux de 18 000 morceaux et un de 12 300. C'est mon fils qui me les trouve à Chicout, mentionne-t-il. Il y a là une boutique de rêve pour les passionnés comme moi avec toutes les nouveautés. Monsieur Wallet va devoir se résigner à remettre son casse-tête dans la boîte. Fera-t-il celui de 32 256 pièces? J'aimerais bien ça, mais j'ai atteint les limites de mon espace dans mon sous-sol, dit-il en riant. C'est déjà la fin de ma nouvelle, Tommy. Hey, on vient de parler du deuxième plus gros casse-tête de tous les temps pendant 5 minutes. Ah ouais, vraiment. On a-tu encore du temps? Let's go, une dernière, fais ça vite. Un cheval affolé sème les mois à Notre-Dame de Grâce. Ah, calvaire, on voulait tout savoir. Je suis sûr que c'est ma dernière nouvelle. Alors, un cheval de la police de Montréal a causé tout un émoi il y a quelques semaines lorsqu'il a pris la clé des champs pour galoper dans les rues de l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, pendant 30 minutes avant d'être finalement rattrapé. Ouais. Deux cavaliers du service de police de la ville de Montréal, le SPVM, un homme et une femme, effectuaient une patrouille de routine vers 16h sur l'avenue Monkland lorsque la policière est tombée de celle au coin des avenues Earnscliff et Monkland. C'est alors que la bête nommée Royal a pris la fuite, a indiqué le SPVM. Il s'agit d'un tout nouveau cheval du SPVM, a expliqué le porte-parole de la police, Danny Richer. Ce dernier n'était pas en mesure de dire pour quelle raison la cavalière a chuté. Par contre, la policière a subi des blessures mineures à l'épaule et au bras, tandis qu'au terme de sa course, l'animal a subi des blessures légères aux pattes ainsi qu'au museau. Plusieurs citoyens ont rapporté avoir vu le cheval en train de courir au galop dans plusieurs rues de Notre-Dame-de-Grâce, notamment les avenues Monkland, Giroir et Marcille. Ensuite, le cheval a été aperçu dans le secteur de Lachine en train de longer la voie ferrée. Hey. Mais les, pourquoi on a besoin de chevaux aussi? D'accord. Les policiers et des agents de la protection de la faune ont suivi l'animal pendant plusieurs minutes. La bête a été finalement interceptée près de la gare de triage Saint-Luc sur la rue Paré, non loin de l'ancien hippodrome, et ramenée à l'écurie du SPVM sur le Mont-Royal. Un cheval épouvanté, donc, Michel Dussablon et son ami Claire Lévesque sirotaient leur café tout bonnement au soleil sur la terrasse du second cop situé sur l'avenue Monkland au coin de Giroir, lorsque, à leur grande surprise, ils ont aperçu le grand cheval noir affolé en train de galoper au milieu de la rue en direction ouest. Et cette histoire qui continue de faire parler, fait en sorte... Le cheval a traversé Giroir à toute allure sur un feu rouge. Il avait l'air épouvanté, a dit Monsieur Dussablon en entrevue. Amenant de nouvelles informations. Fort heureusement, il courait dans la rue car il y avait beaucoup de monde sur les trottoirs. Il y aurait eu des blessés, peut-être des morts, s'il avait galopé sur les trottoirs achalandés. Les deux amis avaient d'abord vu les deux policiers en train d'effectuer leur patrouille de routine tranquillement. Les bêtes étaient disciplinées, tout se déroulait normalement, expliquait M. Dussablon. On était quand même surpris, puisque d'habitude, c'est sur le Mont-Royal qu'on voit la cavalerie. Hey, quelques 20 minutes après que les deux cavaliers furent passés devant le couple, la nouvelle recrue Ekin du SPVM rebroussait. Je vais son micro là dans 10. Plusieurs témoins de la scène ont rapporté sur Twitter avoir vu le cheval, un cheval noir avec une selle vide, a brûlé un feu rouge à toute vitesse sur Monkland et a presque heurté l'automobile de mon ami, a-t-on pu lire dans un micro-message transmis sur Twitter au moment où l'événement se déroulait. La porte-parole du SPVM n'était pas en mesure de dire samedi soir. Merci Fred. La suite, la semaine prochaine. La suite. Hey, merci à tout le monde qui sont venus participer. Merci à Mathieu, merci à Étienne, merci à David et merci à Fred. Ne restez pas trop loin, on écoute une toune de Marie-Chantal Toupin. C'est ça, je vous fais ça à soir. Et puis après ça, ben on va parler de La Guerre des Monstres, le film de ce soir. Merci. Yeah! jamais pensé que tu m'aimais autant comme ça, comme avant. J'ai jamais pensé un jour d'aller aussi loin et tomber dans tes mains. Attrape-moi, j'ai goût de broyer. J'ai jamais pensé un jour. Salut, c'est Tommy qui est là pour vous parler du long métrage de ce soir qui a été voté au www.douteux.org. Comme c'est le mois de Godzilla, c'est le mois de mai, c'est le mois de la masturbation aussi, mais c'est le mois de Godzilla, le gros monstre qui lance des radiations. On s'est dit qu'on était pour vous proposer des kaijus. On n'en met pas souvent, on en a mis un il y a genre 2-3 ans. Les kaijus, c'est un style de cinéma qui est très très japonais. Et ça va me permettre d'ailleurs d'en parler un petit peu de manière très très aride et wikipédiesque, là, mais manière d'un petit peu booker ça en tête, parce qu'on n'en avait vraiment pas souvent, puis je vais en parler tantôt pourquoi. Donc, c'est un film tout d'abord, non, je parle des kaiju, je reviens sur le film après. Donc, soyons honnêtes, le film de ce soir, c'est un film de kaiju. Et qu'est-ce que c'est un kaiju? Ben, les Godzilla, par exemple, les Ultraman, c'est tout des kaiju. Donc, voici la définition. Kaiju, en japonais, ou traduit en français, ça veut dire bête étrange, bête mystérieuse. C'est un terme japonais pour désigner des créatures étranges, particulièrement des monstres géants des films japonais, appelés des Kaiju Eiga. La notion japonaise de monstre est différente de celle des occidentaux. Un kaiju est plutôt vu comme la force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant et non pas comme une force du mal qui voudrait nous détruire. Godzilla est beaucoup plus proche d'un lion qui dort puis qui ça, il tente pas de se faire réveiller qu'il est proche de Satan qui veut tout nous manger parce qu'on connaît rien. Ah, c'est ça. Lui, il est juste comme là, tu sais. Et voilà. Mathieu Boudreau à la... Salut, Mathieu. Salut. le Kaiju Eiga, ça veut dire cinéma de monstres. C'est un genre de film japonais qui emploie des maquettes de villes en carcron. Vraiment carcron solide et des acteurs costumés en grands monstres de latex, on les a toutes vus. Les premiers Kaiju Eiga furent réalisés dans les années 50, ça fait quand même longtemps, dans le contexte d'un Japon post-nucléaire, c'est très très important. Ces premiers films allaient d'ailleurs mettre en scène des monstres qui utilisaient de la radiation, comme Godzilla, tu sais, c'est le dragon, puis on sait que les dragons c'est important pour les Japonais, nous autres on s'en crisse un peu plus, là, mais là-bas, ils ont une fête, ils ont même un signe astrologique, comment c'est sérieux. C'est en voilà. Chine, tu vas dire, mais c'est tout pareil. Mm. Voilà la plus connue de ces créatures cinématographiques, c'est bien entendu Godzilla. Mais Gamera, Mothra, c'est toutes des affaires importantes. Rodan, Ghidorah, c'est un de mes préférés. J'ai sa statue ici, j'ai sa figurine, le King Ghidorah. Ebira, Yongari, il y a Monster X aussi, qui est quand même quelque chose d'important pour quelqu'un qui s'intéresse à la diégèse de Godzilla. Même King Kong, en fait, on peut l'insérer là-dedans, même si c'est plus comme une création occidentale, plus américaine, mais ça reste que King Kong, c'est plus comme la nature qui se manifeste. Hein? Peut-être que King Kong est aussi à la base du mythe, mais bon, filmé du gros, tout le monde aimait ça. Ishiro Honda, qui est aussi le réalisateur du film de ce soir, est sûrement le plus prolifique de tous les créateurs de Kaiju Eiga. On voit ici comme la tentacule qui est en train de rentrer. Là. Ah non, je me fais avoir. Ah, comment ont-ils fait cela? Et donc voici, ouais, c'est incroyable. Hein, c'est et voilà, hein, 9 ans avant Star Wars. D'habitude, on dit après, ouais. Mais là, c'est avant. En Amérique du Nord, on se leurre pas. Les Kaiju, ça s'appelle des films de... Les Kaiju Eiga, en fait, ça s'appelle des films de monstres. On appelle ça comme ça, c'est comme ça. On le reconnaît, le film de monstres. C'est pas un film d'horreur dans lequel il y a des monstres méchants. C'est un film de monstres film dans de lequel il y a des gros monstres qui veulent raser des villes. T'sais, ainsi va la vie. C'est, en fait, le gros problème, pourquoi qu'on n'en met pas beaucoup à douteux dans nos visionnements, c'est parce que dans les films de monstres, on ne voit jamais assez les monstres. C'est pour ça que ça devient très rapidement difficile de proposer du divertissement de qualité quand le film omet volontairement de nous offrir ce qu'on veut voir. La distribution traditionnelle des apparitions de monstres au sein d'un film de monstres classique va usuellement ainsi une shot au début du film pour qu'on sache qu'on est dans un film de monstres avec de vrais monstres, c'est-à-dire de vrais gars dans des vrais suits. Voilà. Et oui. Deux, on revoit le ou les monstres une bonne heure plus tard pour justifier toutes les pauses de bureau boring qu'on a endurées pendant toute cette depuis la première apparition. Et trois, on voit de coupe en fait. Trois, désolé. À court de prétexte pour les passes de bureau, le film n'a d'autre choix que de laisser les deux monstres finalement se chamailler une bonne fois pour toutes pour en venir à la finale, souvent décevante parce qu'il n'y avait pas assez de fois qu'on a vu les monstres dans le film. Ensuite, le film de monstres classique utilise habituellement les cadres de caméra à la sauce « come on » vraiment épicée. Le but est de continuer à se faire manifester le monstre tout en ne le montrant pas. Il y a des gens qui se font attaquer par des cadres de caméra et blablabla, bla bla, c'est assez infect. Là. Des gens qui font « Ah! Ah! » Mais ouais, pourquoi tu filmes pas le monstre à la place de montrer la fille qui crie? Je sais pas. Là. Donc, le film de ce soir, par contre, on est un petit peu chanceux. Il fait quelques accros à cette règle, c'est pour ça qu'on vous l'a proposé parmi, fait contre la planète des dinosaures. Le gars en saute de singe, on va le voir souvent et il va courir au travers des maquettes, en fait. Dans les films de monstres comme ça, c'est la qualité des maquettes souvent qui décide dans lequel le budget passe en majorité. Dans le film de monstres de ce soir, ce sont des belles maquettes. C'est un film qui a été traduit en français. C'est une giga-production de l'époque. Donc, il y a des belles maquettes, vous allez voir. En fait, c'est beaucoup pour ça qu'on a mis le film de ce soir en compétition. Parce que le gars en saut de singe, on va le voir assez souvent dans toute la première moitié du film. Parce que c'est la moitié du film dans laquelle l'armée tente de le repousser avec un rayon. C'est très bien fait, les séquences du rayon. Et puis là, ben, à un moment donné, vers la moitié du film, il y a un autre gars habillé dans un autre saut de singe qui débarque. Et ça fait comme deux sauts de singe avec des gars dedans qui s'attaquent à détruire la maquette avec des ralentis impertinents. Au total, je vous le dis, les kaiju, c'est pas super facile. Il y a des passes de bureau. Il faut essayer de développer de l'intérêt pour des personnages. Ça marchera pas. Et pourtant, on va passer au travers, tout le monde ensemble. Vous allez triper sur les maquettes. Vous allez vous rendre compte que les dialogues, sans queue ni tête solide. Et aussi, un indice que c'était fait pour la distribution à l'international. Je pense qu'on va le voir bientôt. Le chef des gentils, c'est un occidental. Parce que c'est important de blanchiser tout si on veut être sûr d'en vendre à l'international. Je sais pas pourquoi. Là. On c'est est cons. En tout cas, là-dessus, on s'écoute. La guerre des monstres, c'est pas facile, mais vous allez avoir des passes de bureau fades au dialogue vaseux à souhait pour vous aider à caler votre bière. La guerre des monstres, c'est pas facile, mais on est ensemble. Merci. Tu peux le recommencer, Mathieu. Quelle était la position exacte du bateau quand il a coulé? Mais je vous l'ai déjà dit. Je veux la vérité. Je vous interrogerai jusqu'à ce que vous me l'ayez dit. Dites-moi, lorsque vous...